Monsieur, vous êtes souvent à court d'arguments. Vous n'arrivez jamais à imposer votre point de vue à vos collaborateurs. Utilisez la mauvaise foi. La mauvaise foi est une technique ancestrale de manipulation qui déroutera n'importe lequel de vos interlocuteurs. Plus c'est gros, mieux ça passe. Dites une énormité et laissez le doute s'installer chez votre collègue. Il tentera alors de justifier son point de vue par des démonstrations alambiquées et c'est là que vous pourrez le discréditer en arguant de la complexité de son raisonnement. Ayez toujours raison en étant sournois grâce à la mauvaise foi. Ça va pas la tête ?